sont tous quelque chose à se reprocher. C'est pour ça qu'ils se la laissent pousser. Ils ne mourront pas de toute façon. Je serai déjà à leur piège, j'en suis sûr. Et par buisson, partout, même chez moi. À la télé, dans la rue, dans les bus. Leur barbe ne cache pas leur sourire cynique. Dans leur tête, ils ont des plans machiavéliques. Des barbus. Les barbus sévissent, toutes les petites filles ils les agressent. Il y en a même qui font des films porno. Qui sont dans le métro. Mon père est un con et il est barbu. Ah bon? C'est pour ça qu'on casse ses plantations. Méchant. Les barbus sont vraiment pas cool. Ils ont tous froid.